explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainé. Tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Les îles sont souvent de douces promesses. On les associe à la tranquillité, à la sérénité. Dans la Grèce antique, l'île de Cythère, où débarqua Aphrodite, était celle des amours et en symbolisait les douceurs. Dans notre imaginaire, les îles sont paradisiaques, forcément. Elles peuvent pourtant devenir de véritables enfers quand les hommes décident de faire de ces lieux isolés des prisons. L'idée ne date pas d'hier. Depuis que les sociétés humaines savent voguer sur les flots, elles ont profité de l'isolement qu'offrent les îles pour y exiler leurs détenus et parfois les y condamner aux travaux forcés. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion de notre bivouac à la découverte des îles-prisons avec l'historien Michel Pierre, auteur d'un ouvrage intitulé « Le temps des bagnes, 1748-1953 » aux éditions Talendier. De la prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco au bagne des îles du Salut au large de Cayenne, en passant par le château d'If, Michel Pierre nous emmène à la découverte de ces lieux qui font rimer insulaire avec pénitentiaire. Qui êtes-vous ? L'abbé Faria. Et vous ? Je suis numéro 34. Mais avant, je m'appelais Dantès. Edmond Dantès. Depuis combien de temps êtes-vous là ? Je ne sais plus. Au début, je comptais les jours, mais... Nous sommes le 11 février. Le 11 février. Oui. C'est février. Voilà pourquoi j'ai froid. Février. Mais de quelle année ? 1833. 1833. Ça fait 18 ans que je suis ici. Un extrait du Comte de Monte Cristo de José Dahan avec Gérard Depardieu. Les îles prisons ont inspiré beaucoup d'écrivains et de romanciers, à commencer par Alexandre Dumas. Edmond Dantès, qui deviendra le Comte de Monte Cristo, est enfermé dans le château d'If sur un îlot de l'archipel du Frioul. Oui, on est face à Marseille et très souvent l'île ou l'îlot qui va devenir prison est d'abord une île forteresse. C'est-à-dire si vous commencez par, et c'est l'idée de, au départ du château d'If, c'est de garder Marseille. Donc on y fait un certain nombre de forts, des fortifications pour garder le site sur une position stratégique. Et à partir du moment où vous avez déjà en quelque sorte des militaires, des remparts et des grilles sur une île, eh bien très souvent sur non seulement en France mais ailleurs, vous avez comme ça ce lien qui va s'établir presque tout naturellement entre l'île forteresse et l'île prison. Et le génie finalement d'Alexandre Dumas, quand on y réfléchit avec le Comte de Monte Cristo, c'est qu'il va, dans ce roman, ce flot romanesque, pourrait-on dire, à partir de 1844, c'est de conjuguer deux éléments fantasmatiques pour ce qui est des îles, c'est-à-dire l'île prison et l'île au trésor. Évidemment. C'est-à-dire le château d'If et l'île de Monte Cristo. Oui, parce que quand il s'évade pour pouvoir fomenter sa vengeance, il lui faut de l'argent et il trouve justement sur l'île, non loin de la sienne, un trésor qui va pouvoir lui permettre d'acquérir tous ses biens et de pouvoir faire sa vengeance. Il y a d'autres îles comme ça qui ont allumé l'imaginaire des romanciers. Il y a notamment cette île sur laquelle était enfermé le Masque de Fer. Oui, là c'est l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes. Et c'est toujours un peu la même idée, c'est d'amener quelqu'un qu'on a envie vraiment de garder sur un lieu où vous avez déjà en général des murailles assez solides et des gardiens assez sûrs pour faire en sorte que le condamné ne s'évade pas. Ce que fait Dantès, et ce que, entre parenthèses, on fait toujours maintenant chaque année en juin, où vous avez plusieurs centaines de nageurs qui partent du château d'If et qui peuvent rejoindre ainsi la côte du côté de Marseille. C'est-à-dire là où autrefois ce qui était un exploit dans des conditions difficiles devient aujourd'hui toujours un exploit, mais dans des conditions sportives. Ouais. Oh bah dans des conditions sportives, il y a certaines îles qui ont été prisons, qui ont inspiré des émissions de télévision où on fait plus ou moins du sport, comme le Fort Boyard. Oui, alors finalement, si on prend le littoral français, ça va parfois plus vite de nommer ou de regarder les îles qui n'ont pas servi de prison. Oui, parce que vous allez depuis le Cotentin jusqu'à l'île du Levant, jusqu'à la Méditerranée, où vous, la plupart des îles, à un moment ou à un autre, ont servi, alors soit de prison politique, soit pour des prisonniers de guerre, soit pour des prisons d'État au moment de la royauté. Donc vous avez tous les cas possibles et imaginables. Alors parfois pour un temps très court, par exemple pour le Fort Boyard, ça a surtout été une structure de défense. Ouais. Il y a eu quelques passages de prisonniers de guerre, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On l'a baptisé, je crois, dans la région le Fort de l'Inutile, avant qu'il ne fasse les bonheurs des plateaux de télé. Oui, le Fort de l'Inutile. Bon, ça arrive souvent dans des pour ces, le phénomène des forteresses construites par l'homme. L'imagino aussi, c'était pas très utile. Ouais. Alors quand est-ce qu'a commencé cette idée finalement d'utiliser les îles comme prison? J'ai l'impression que dès que les sociétés humaines ont commencé vraiment à se constituer, on voit très bien un certain nombre d'îles, par exemple, où on exile du temps de la Grèce. L'île de Gyaros, par exemple, dans les Cyclades, on sait qu'on y a exilé, déporté, parce que quand on déporte, on change de port, au sens strict du terme. Et puis, on a, par exemple, dans le droit romain, la peine in insulam, donc dans une île. Donc, on voit très bien que dès l'Antiquité, le fait d'exclure, de déporter, d'éloigner et d'être séparé par des bras de mer, parfois de manière lointaine, parfois plus proche, c'est à la fois symbolique et c'est à la fois réel. C'est-à-dire vous empêchez, ou vous gênez en tout cas, le retour de la personne, ou des personnes, ou des groupes, parce que parfois ce sont des exils massifs, que vous envoyez dans tel ou tel endroit. Il y a quelque chose d'étonnant à se dire que ces îles des Cyclades, qui sont emprisées des touristes aujourd'hui, ont été des lieux de peine, des lieux carcéraux. Oui, mais ça vous retrouvez par exemple, si je reviens sur la France, on a décidé à différents moments de l'histoire du 19e siècle d'envoyer des condamnés aux Seychelles. Oui. À l'île des Pins, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui est un endroit absolument paradisiaque, mais sublime à nos yeux. Oui. C'est nous qui voyons les plages de sable blanc et les cocotiers. Au XIXe siècle, on voit surtout l'exil, on voit surtout qu'on est loin des siens, loin de son environnement, et on ne voit pas toujours cette beauté auquel on est peu sensible. Alors, sans aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on ira un peu plus tard dans l'émission d'ailleurs, mais restons encore sur les côtes de la métropole. Au Mont-Saint-Michel, on a enfermé des gens. Là aussi, au lieu du tourisme aujourd'hui, ça a été un lieu de privation de liberté. Oui, et sur une longue durée, puisque on commence véritablement avec Louis XI et on continue en plein XIXe siècle avec parfois quelques condamnés et jusqu'à 600 condamnés au Mont-Saint-Michel. Mais là, nous sommes presque dans une autre connexion, pourrait-on dire. Ouais. C'est-à-dire là où vous aviez des lieux de monastères ou des lieux religieux, là où vous aviez des gens en pénitence, vous assurez aussi une forme de pénitence. On voit qu'il y a tout un élément aussi religieux, en quelque sorte, métaphysique, conceptuel, entre les gens que l'on déplace, que l'on déporte, et qui doivent, par le fait qu'ils sont isolés, faire en quelque sorte un travail sur eux-mêmes pour avoir la contrition de leurs actes. Il y a quelque chose aussi de religieux de faire partir les gens dans les îles, tout au moins sous l'Ancien Régime. Et puis vient le temps des colonies, hein, Michel Pierre, dont vous êtes historien spécialiste, et des pays d'Europe donc étendent leur empire, et puis là ça augmente le choix des possibles dans les îles qu'on va pouvoir investir pour en faire des prisons. Les premiers à tirer, ce sont les Anglais qui tirent les premiers dans ce domaine. Oui, les Anglais vont partir aussi d'une réflexion qui est celle de Thomas More dans Utopia, qui considère que finalement un homme qui travaille est plus utile qu'un cadavre. Donc plutôt que de condamner à mort ou de faire mourir à petit feu dans des prisons continentales ou pour ce qui est de la Grande-Bretagne dans les îles, ou en tout cas du point central, il vaudrait mieux utiliser des condamnés à coloniser tel ou tel terre, d'abord à les punir, et puis une fois qu'ils ont fait preuve d'un certain nombre de bons instincts, de leur confier des terres ou bien la possibilité de travailler cette fois-ci en liberté et non plus en détenu. Et donc les Anglais, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vont désigner l'Australie, plusieurs territoires en Australie, donc la grande île, l'île continent, pour des déportations qui ont été assez conséquentes, puisqu'on atteint à peu près 160 à 170 000 condamnés hommes et femmes. Donc ce qui fait que sur ce total, vous avez à peu près un quart de femmes, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous avez à peu près 20% de la population australienne qui descend de cette déportation coloniale, en quelque sorte. Mais ça semble gigantesque. Donc fin du 18e, 162 000 personnes qui sont déportées sur cette île continent. Et pour partie le 19e. Pour partie le 19e. Mais quel est le profil, en fait? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour se retrouver ainsi propulsé à l'autre bout de la planète? On peut, comme pour en France, vous commettez un certain nombre de délits. Alors pour ce qui est de la Grande-Bretagne, ça pouvait être aussi des gens sans travail, des vagabonds. On pouvait déporter, pour ce qui est des Anglais, des convicts en Australie. Cela pouvait commencer, y compris par des familles, des femmes et des enfants à partir de 9 ans. Pour ce qui est du cas français, c'est un petit peu différent. Ouais, puis à partir du 19e siècle, justement, les Français vont s'inspirer du mode anglais. Vous allez nous raconter de quelle manière, dans un instant, Michel Pierre. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. C'était Folsom Prison Blues de Johnny Cash sur France Inter. 254 condamnés aux travaux forcés, 419 relégués sont embarqués à destination du bagne. Père, mère, sœur, épouse sont venus faire un dernier geste d'adieu à ceux que la société rejette loin d'elle. Les condamnés sont embarqués sur le navire La Martinière, véritable prison flottante, qui va quitter la France avec sa triste cargaison. À la quotidienne, le reste du temps, les bagnards étaient entassés comme des animaux dans ce qu'on appelait commodément des cages ou plus plaisamment la ménagerie. L'historien Michel Pierre, auteur d'un livre intitulé « Le temps des bagnes, 1748-1953 » aux éditions Talendier, est l'invité du temps d'un bivouac. Le 19e siècle, Michel Pierre, c'est ce moment où la France décide de fermer les bagnes de ses zones portuaires en métropole pour envoyer beaucoup plus loin ses détenus. Oui, parce qu'au milieu du 19e siècle, on commence à considérer que entasser des condamnés aux travaux forcés, comme c'était ce qu'on faisait précédemment, condamnés mis dans des bagnes portuaires, en l'occurrence à Toulon, Brest et Rochefort, et eux-mêmes descendants du temps des galères, donc il y a une très longue histoire. Donc au milieu du 18e siècle, on commence à considérer que ces bagnards des bagnes portuaires d'abord coûtent très cher, ont finalement un rendement au travail qui est moins intéressant que celui de travailleurs libres. Qu'est-ce qu'on leur fait faire dans ces bagnes? Ils travaillent dans les arsenaux. Ils vont débarquer ou travailler sur des navires en radou, par exemple, ou transporter tout ce dont des ports peuvent avoir besoin. Ce sont des ateliers surveillés. Mais la surveillance que l'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un qui peut toujours ramasser un morceau de fer ou un morceau de bois ou tout ce qui peut servir à une évasion, une agression, fait que la rentabilité de ces forçats dans les bagnes portuaires, dans les arsenaux, c'est quand même pas terrible. Ça coûte trop cher à surveiller. Surveiller, et puis le rendement est nul au moment où justement l'exode rural en France, au milieu du 19e, commence à libérer des travailleurs qu'il est finalement moins cher d'utiliser en tant que travailleurs libres que le rendement des travailleurs forcés. Donc ils sont concentrés dans ces bagnes, et comme on commence aussi, alors c'est pas encore l'époque de Pasteur, mais on commence à considérer que ces masses, ils sont quand même autour de 10 000 au total, en comptant les trois bagnes portuaires, que ces délinquants, ces condamnés aux travaux forcés qui sont là, sont en quelque sorte contagieux. Ils sont socialement contagieux. Et donc, autant les éloigner. Donc, vous avez un facteur d'économie, vous avez un facteur de prophylaxie sociale, d'hygiène sociale. Et donc, on va songer à les envoyer ailleurs que sur le sol métropolitain, au moment même où débute la construction de l'Empire colonial français. Alors, on décide de les envoyer où ? En 1852, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, et ensuite quand il deviendra Napoléon III, décide ce lointain exil, la France n'a pas encore beaucoup de possibilités. Il y a quelques territoires, le drapeau flotte au Sénégal, il flotte sur les Antilles, sur Madagascar et un peu sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est tout. Donc et sur la Guyane, et c'est finalement la Guyane qui va être choisie en quelque sorte par élimination. C'est-à-dire, dans ces années 1852, il ne faut pas en plus oublier que nous sommes à 4 ans depuis l'abolition de l'esclavage. Donc on ne va pas, par exemple, envoyer des condamnés blancs aux Antilles, avec l'idée qu'à quelques années de la suppression après la suppression de l'esclavage, tout ça peut être un peu compliqué. La Guyane présente l'avantage d'être à peu près vide d'hommes, avec des capacités de culture, d'agriculture et de développement qu'on imagine importantes. Mmh. Et de plus, le territoire est assez facilement accessible par tout simplement les vents des Alizés qui peuvent amener les navires à voile, puisque ce sont des navires à voile et non pas le martinière que l'on entendait dans l'extrait de reportage. Donc la Guyane présente un certain nombre d'avantages, suffisamment éloignés pour que les prisonniers ne reviennent pas, et finalement accessibles avec des terrains à développer. Avec des terrains à développer et avec des îles, évidemment, parce que la Guyane, on le rappelle, ça n'est pas une île, n'en déplaise à certains, mais il y a quand même quelques archipels qui sont sur les côtes guyanaise, notamment les îles du Salut. Oui, alors on peut presque considérer que la Guyane est une forme d'île entre la forêt amazonienne et l'océan Atlantique. Vous mais volez au secours de certains. En quelque sorte. Et non, il y a des vraies îles, et c'est aussi ce qui va faire que la Guyane est choisie, c'est que on a en face de Cayenne et de Kourou les trois îles, dites les îles du Salut, l'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable, où on peut, en arrivant en Guyane, faire débarquer les forçats avant de les répartir sur l'ensemble du territoire. Donc on a, c'est un désavantage en quelque sorte, qui est considéré comme intéressant et qui va faire que la Guyane va aussi être désignée pour cette destination pénitentiaire. Ces îles du Salut ayant de plus l'avantage de ne pas être en quelque sorte peuplé de moustiques, et vous n'avez pas de malaria. Donc vous pouvez tenter de penser à une forme d'acclimatation des forçats que l'on va débarquer aux îles du Salut. Et alors en réalité, quelles sont les conditions de vie de ces forçats qui débarquent sur ces îles du Salut ? Ceux qui vont débarquer sur les îles du Salut vont d'abord les bagnards, ça commence par construire le bagne. Donc ils vont être la main d'œuvre pour construire les bâtiments, c'est-à-dire ceux Parce qu'on arrive d'abord avec des constructions en bois. Donc les forçats vont construire des citernes, par exemple, vont creuser le sol de l'île Royale, vont construire des bâtiments en dur, vont construire par exemple aussi une église, deux hôpitaux. Il faut s'imaginer que la population qui va se retrouver aux îles est quand même autour de 1500 personnes, 1500 condamnés qui vont être mis immédiatement au travail sur ces, sur ces îles. Alors, ils sont bien évidemment surveillés. Nous sommes en plus dans une des îles relatives, dont il est relativement et même plus que très très difficile de s'évader des îles, même si on a eu de nombreuses tentatives et quelques cas de réussite. Donc, les comment parviennent-ils à s'évader ? Alors, ils font des radeaux et... Oui, enfin... À la nage, c'est pas possible. À la nage, c'est possible. Si, la nage, à la nage, ce serait possible. Ça se fait aujourd'hui et ça s'est fait récemment. À l'époque, c'était plus difficile parce que petit à petit, les requins sont venus rôder autour des îles. Tout simplement parce que pour nourrir cette population de plusieurs centaines de condamnés, il fallait quand même de la viande. Et les bovins arrivaient de Kourou, par exemple, mais ils étaient abattus sur place. Il y a une forme de boucherie. Et donc, tout ce qui était sang et entrailles des animaux se déversaient dans l'eau et on finit par attirer les requins. Ça fait des gardiens de prison efficaces. Oui, hein. Si les requins tournent en rond autour de l'île, on imagine qu'on n'a pas envie de... Et en plus, les forçats, comme on ne peut pas enterrer les forçats aux îles, on les immerge, comme dans la tradition de la marine, on les immerge en mer. Ah oui. Et évidemment, l'imagination, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination, les forçats voient que les requins se précipitent sur les linceuls, que même s'ils sont lestés, que l'on met dans l'eau entre l'île Saint-Joseph et l'île Royale. Ce qui fait que... Alors, les requins ne sont pas venus parce qu'on leur donnait des forçats, des cadavres de forçats à déchiqueter. Ils sont venus essentiellement par rapport aux boucheries qui s'y trouvaient. Oui. Mais pour les forçats, c'était une... C'est assez dissuasif, on le comprend. Le retour était-il possible ? Alors, la loi telle qu'elle est faite en 1854 n'est pas très favorable au retour. Par exemple, un condamné aux travaux forcés à plus de 8 ans devait rester. Il faisait, par exemple, quelqu'un qui était condamné à 15 ans de travaux forcés. S'il arrivait au bout de ses 15 ans de travaux forcés en Guyane, devait rester à vie, libéré, mais rester à vie dans la colonie. Donc c'est vraiment l'idée d'un dernier exil, d'une exclusion définitive, ce qui était aussi la législation britannique pour l'Australie. C'est d'ailleurs sur l'île du Diable que sera retenu prisonnier le capitaine Dreyfus. Alors Dreyfus appartient à une autre catégorie, pourrait-on dire, de condamnés. Il n'est pas condamné aux travaux forcés. Il est condamné à la déportation en enceinte fortifiée, qui était une peine puisque vous parliez du Mont-Saint-Michel, par exemple. Le Mont-Saint-Michel avait cette fonction à un moment. L'île des Pins en Guyane, en Nouvelle-Calédonie également. Et pour ce qui a été de Dreyfus, c'est l'île du Diable qui a été désigné pour cette fonction. Mais précédemment, avant que Dreyfus n'arrive à l'île du Diable, il y avait les lépreux. Les bagnards lépreux qui étaient dans cette île. Et là, lui, il est déporté. Il ne travaille pas, au contraire des condamnés aux travaux forcés. Il est en résidence surveillée et très surveillée. Il y a donc une spécialisation, hein. On le comprend. On ne retrouve pas exactement les mêmes populations sur chacune de ces îles. Ce sera le cas aussi, vous citiez la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, ce sera le cas sur les îles de Nouvelle-Calédonie. Seront conduits les communards, avec notamment l'une des figures marquantes de la Commune de Paris de 1871, Louise Michel. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible. Vague après vague, les visages de nos amis communards, fusillés, sont venus hanter ces 4 mois de traversée. Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse. Et quand enfin, à bord des chaloupes, nous nous rapprochions de cette terre de déportation, je ne pus m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait. Je me présente, capitaine de vaisseau de la Richerie. Gouverneur de cette île. Vous serez donc sous mon autorité pendant votre déportation. Messieurs, vous serez conduits à Numbo, dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île de Ducos. Quant à vous, mesdames, vous serez amenés à Bouraï, sur la Grande Terre, où vous bénéficierez d'un peu plus de confort. Pourquoi un tel privilège, monsieur le gouverneur ? Nous voulons partager le sort des hommes. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons rester avec eux comme la loi le dit. Même si leur sort est moins enviable. Silence, déporté ! La loi ici, c'est monsieur le gouverneur. Extrait de Louise Michel, La Rebelle, de Solveig Anspach. Les femmes étaient donc séparées des hommes sur ces îles. Est-ce que leur sort était pour autant plus enviable, Michel Pierre ? Dans le cas de Louise Michel et des quelques dizaines de femmes communardes qui sont parties vers la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence pour elle à la presqu'île Ducos, c'est moins terrible que d'être condamnée aux travaux forcés. Elle n'est pas amenée avec des chaînes ou un boulet au pied, tel que le veut parfois la tradition de l'imagerie. Mais ce sont des conditions toujours quand même de surveillance assez conséquente, surtout alors si on avait à raconter l'histoire des communards en Nouvelle-Calédonie, que l'un d'entre eux qui était particulièrement surveillé a réussi à s'échapper, Rochefort, le journaliste. Donc après cette évasion où ils ont du reste réussi à gagner l'Australie, la surveillance a été beaucoup plus importante. Mais Louise Michel, et on le sent du reste, y compris dans l'extrait que l'on vient d'entendre, a une vraie curiosité pour ce pays. Ce qui n'était pas le cas de tous les communards. Elle va s'intéresser à la nature, elle va s'intéresser aux animaux, par exemple. On a des descriptions de l'intérieur de la case qu'occupait Louise Michel, où elle recueille, y compris ces serpents qu'on appelle le tricot-rayé, qui sont là. Elle vit pas avec, quand même, enfin, qui passent à travers la maison, et quelques autres animaux. Donc elle a non seulement un intérêt pour la faune, pour la flore, et aussi, de manière bien plus conséquente, pour les habitants, puisqu'elle va recueillir un certain nombre de contes et légendes kanak. Donc elle a un vrai regard sur le lieu dans lequel la vie et ses convictions l'ont amenée. D'autres n'ont pas eu ce même regard. Ouais. Elle va y rester combien de temps, Louise Michel ? Elle y reste 6-7 ans avant l'amnistie. Elle va réussir, à l'amnistie, elle sera rapatriée. Oui. La mortalité des communards en Nouvelle-Calédonie a été beaucoup moins importante que celle, par exemple, dans un certain nombre de camps guyanais pour les travailleurs forcés. Globalement, du reste, la mortalité de la Nouvelle-Calédonie, terre de forçats, quelle qu'ait été leur catégorie, a été beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été en Guyane. Alors, il y a eu des îles prison pour les hommes, pour les femmes, pour les prisonniers politiques, pour les prisonniers de droit commun. Et puis, il y a aussi eu des îles prison pour les enfants, pour les mineurs. Ça inspira d'ailleurs un poème à Jacques Prévert. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, schnappants, qu'est-ce que ces hurlements? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Marianne Oswald qui chante « La chasse à l'enfant » de Prévert, un poème de 1936 qui fait référence à une mutinerie qui a eu lieu 2 ans plus tôt, en 1934, à la prison de Belle-Île, d'où cette chasse aux enfants qu'il faut aller rattraper parce qu'ils se sont échappés lors de cette mutinerie. Pendant combien de temps il y a eu comme ça des bagnes pour enfants, des prisons pour enfants sur Belle-Île ? Alors, pour ce qui est de Belle-Île, est un bon exemple de ce qu'on disait de ces îles prisons. Au départ, c'est une forteresse et puis ça devient un moment... un lieu de prison pour des révoltés des journées de juin 48, et puis ça devient aussi un lieu pour les communards, justement, avant qu'ils ne partent vers la Nouvelle-Calédonie. Et en 1880, on en fait une colonie agricole et pénitentiaire pour des enfants mineurs. Le problème de des enfants passant devant, des mineurs passant devant des tribunaux, est que la plupart du temps, ils sont considérés comme ayant agi sans discernement. Donc, en quelque sorte, ils sont acquittés. Mais c'est pas pour ça qu'on va les remettre immédiatement dans la nature. Donc, on va les garder dans un certain nombre d'institutions qui peuvent être privées ou publiques. Dans le cas de Belle-Île, c'est une institution publique. On va on va garder les mineurs. On va les faire travailler dans un certain nombre d'ateliers. On va tenter de leur apprendre peu à peu certains métiers de la marine ou pour mettre les poissons en conserve, puisque c'est le début des grandes sardineries en Bretagne. Et en 1880, ça devient vraiment une colonie pénitentiaire pour enfants. Et on a à la fin

On fera un radeau et des gilets de sauvetage. Je sais comment ça se fabrique. Quelqu'un dans le temps m'a appris à les faire. Ils croiront qu'on se dirige vers San Francisco. Eh ben, on n'ira pas. On ira vers Angel Island. Je marche. Moi aussi. Je veux me tirer. Extrait du film Les Évadés d'Alcatraz. Michel Pierre, cette prison a une histoire tout à fait singulière. Où se trouve-t-elle exactement, cette prison? On est dans la baie de San Francisco. C'est un peu au départ l'histoire du château d'If, c'est-à-dire c'est un îlot magnifiquement situé pour défendre la baie de San Francisco. Donc on y installe d'abord, au temps de l'Amérique indépendante, une forteresse. Qui dit forteresse et présence militaire, dit aussi qu'on peut y garder des prisonniers de l'autre camp, en l'occurrence pendant la guerre de sécession. Et puis, dans les années 30, l'armée américaine va céder les lieux au département de la justice. Et le département de la justice américain va utiliser une partie des travaux réalisés par les militaires pour constituer une prison d'État, mais une prison d'État à régime particulièrement sévère. Comme on disait, quand tu ne respectes pas la loi, tu vas en prison, et quand tu ne respectes pas la loi de la prison, tu vas à Alcatraz. Eh oui. Donc on est, d'où la présence de prisonniers comme Al Capone, bien sûr. Et donc on est dans des situations quand même de surveillance de jour comme de nuit. Voilà, donc avec des prisonniers particulièrement difficiles qui vont quand même, bien que la surveillance soit particulièrement intense, qui vont quand même essayer de s'échapper. Peu y arriveront, mais certains. L'une des évasions les plus spectaculaires qui a réussi. Nous sommes en juin 1962 et à l'aube, les gardiens de la prison d'Alcatraz ne parviennent pas à réveiller trois prisonniers. La tête du détenu était contre les barreaux. Et je n'avais pas remarqué qu'elle était fausse. Et puis j'ai touché l'oreiller et elle est tombée par terre. Là, j'ai compris. Croyez-moi, ça m'a fichu la trouille. J'ai fait un bond d'un mètre. L'escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history. As agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, Sheriff's Deputies and local police join in the search. Quand l'alerte a été donnée, je suis immédiatement monté dans mon bateau pour faire une ronde autour de l'île, en fouillant les petites grottes et tout. On a retrouvé beaucoup de traces de leur passage. Les témoignages des gardiens de la prison d'Alcatraz qui ont vécu donc cette évasion, alors ils ont trouvé beaucoup de traces de leur passage. Par contre, Michel Pierre, ils n'ont jamais retrouvé ces trois évadés. Ah oui, l'évasion de Frank Morris est un grand succès des visites touristiques d'aujourd'hui, parce que ce qu'on entend là, on les entend quand le million de visiteurs qui va aujourd'hui à Alcatraz est évidemment fasciné par cette évasion de 1962, et on n'a effectivement jamais retrouvé les trois évadés. Alors on pense qu'ils sont peut-être noyés ou non pas mangés par les requins, parce qu'il n'y a pas vraiment de requins dans la baie, comme on le dit parfois. Et vous avez toujours des fiches de recherche qui existent pour Frank Morris et les deux frères Anglin, dont on peut espérer qu'ils ont vraiment réussi quand même leur évasion et qu'ils sont morts de leur belle mort. Oui. Alors il y a eu d'autres tentatives d'évasion. On a un peu un bilan du nombre de tentatives et du nombre de réussites sur cette prison mythique d'Alcatraz. Ah oui, sur Alcatraz, c'est assez facile, parce qu'en fait, une durée de prison de 1933 à 1963, donc on est sur 30 ans de prison, on a toutes les statistiques, on a le nom et les conditions d'incarcération des 1576 détenus qui sont passés par Alcatraz. Finalement, il y a eu beaucoup plus de touristes qui sont passés une fois que la prison a fermé par Alcatraz que de prisonniers réellement. Ah oui, dans un cas c'est quelques centaines, dans l'autre c'est maintenant plusieurs millions depuis l'ouverture au tourisme en 1973. Et en fait, on sait très précisément qu'il y a eu 14 tentatives impliquant 36 détenus, donc 5 qui ont vraiment disparu. On ne sait pas s'ils ont réussi, d'autres qui ont été abattus pendant les tentatives et d'autres dont les corps ont été retrouvés. Donc vous voyez, 14 tentatives, c'est quand même pas énorme. Mais on peut nager dans la baie de San Francisco depuis Alcatraz. La température de l'eau est à 13 degrés, vous franchissez 2,4 km. Et chaque année, vous avez un élément d'un triathlon qui s'appelle Escape from Alcatraz. Donc c'est très élégant par rapport aux évadés. Où vous avez uniquement la possibilité pour 2000 personnes de s'inscrire. C'est extrêmement couru comme manifestation sportive. Extrêmement couru. Nous, on va se mettre à marcher. C'est le moment de retrouver Sven Ortoli et ses philosophes. Bonjour Sven Ortoli. Bonjour. Alors la marche par la pensée, marcher dans sa tête, peut aider à tenir quand on est retenu prisonnier. Vous avez interrogé Jean-Paul Kaufmann. Kaufmann a été prisonnier durant 1078 jours, 3 ans de captivité, dans des conditions particulièrement dures, puisque pour ceux qui connaissent le Bureau des légendes, il y a un moment où l'un des héros principaux de ce feuilleton, de cette série, pardon, est enfermé dans un cercueil, entouré de bandelettes et simulacres d'exécution. Lui, il a vécu tout ça. Et pour s'en sortir durant sa détention, il explique, il raconte un petit peu, parce qu'il est très pudique, il raconte que il parcourait les vignobles du Bordelais, et puis il se remettait en tête, se remémorait tous les appellations de 1855, l'appellation de tous les Médocs. Donc c'était sa manière à lui. Et il s'est fait une promesse. Il s'est dit, si je m'en sors, j'irai marcher au Kerguelen. Aux îles Kerguelen, une autre histoire d'île. C'était un rêve d'enfant, ces îles Kerguelen. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve très fort pour lui, et qu'il a tenu à réaliser, puisque dès qu'il est sorti, il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, et en même temps, il avait besoin, il ne pouvait pas passer directement de l'ombre à la lumière, en quelque sorte. Et donc, il est parti dans ces îles qu'on appelle aussi les îles de la désolation. Ouais. Et il est allé marcher dans les tourbières, dans ce lieu qui est à la fois solitaire et glacé. Et il voulait être seul. Donc, il a tenu cette promesse qu'il s'était faite d'aller marcher sur les îles Kerguelen. Et ensuite, en revenant, il a continué à marcher. Il a découvert, d'abord, qu'il aimait la marche, ce qui n'était pas si évident que ça. Et que la marche, ça lui permettait, en quelque sorte, de s'explorer lui-même. Je pense forcément qu'il a dû explorer aussi la question du mal. Et il le dit lui-même très gentiment, il ne marche pas tout le temps en pensant à des choses très fondamentales. Il aime ça, mais il aime ça parce que c'est un moyen de vivre, voilà. Et du coup, par la suite, il a marché sur les pas d'écrivains comme Bachelard, Breton, ou sur les pas de personnages de la littérature comme le colonel Chabert. D'ailleurs, il cite le colonel Chabert parce que lorsqu'il est revenu de sa captivité, il dit « J'étais comme le colonel Chabert qu'on a cru mort à la bataille d'Eylau et qui revient parmi les vivants. » Ouais. Et il lui avait laissé des livres, ses ravisseurs, pendant sa captivité. Alors, il lui avait laissé des livres, c'est ce qu'il fait. Quand il marche, il part toujours avec un livre avec lui. Et il lui avait laissé des livres, parmi lesquels Collection Harlequin, Guerre et Paix, tome 2, et, ça ne s'invente pas, Les Chemins de la Liberté de Sartre. Ouais. C'est pas une marche d'ascète, alors Non, lui, c'est. Lui, il dirait pas je marche donc je pense, il dirait je marche donc je vis. C'est-à-dire, c'est sa manière à lui, comme nous tous, au fond, dès qu'on se met à marcher. Il veut jouir de la beauté du monde, il aime la vie, il aime le vin, il aime la compagnie. D'ailleurs, quand il marche, il aime bien marcher avec sa famille, il aime bien rencontrer les gens. Il y a de la joie chez cet homme qui est vraiment touchant à tout point de vue et je trouve tout à fait remarquable et qui me fait penser à un tableau de Van Gogh qui est issu d'une gravure de Gustave Doré dans lequel on voit une ronde de prisonniers dans une cour. Et il y a un personnage qui lève la tête, un personnage qui lui est un peu blond, qui ressemble un peu à Van Gogh, mais c'est pas un autoportrait non plus. Et ce personnage qui est souriant, qui respire la vie, c'est comme ça que j'imagine Kaufman, c'est-à-dire prisonnier mais libre. Une réaction, Michel Pierre, sur cette façon de s'évader par la pensée et de tenir en imaginant les projets futurs. Oui, ça, dans les quelques témoignages de prisonniers que nous avons, c'est à peu près systématique. C'est aussi un peu pour ça que, quand on parlait des moines précédemment, c'est l'une des idées aussi qui concourt au fait qu'on a développé la prison et la cellule, c'est de faire penser, alors non pas obligatoirement à l'évasion par la pensée, mais de penser au mal que l'on avait pu faire. Donc on a toujours lié, dès le début de l'existence de la prison ou de l'exil, cette fonction à la réflexion sur soi-même, évidemment dans une pensée un peu religieuse. Mais pour ce qui est des témoignages que nous avons, et ils sont assez nombreux, y compris en Guyane, effectivement, l'activité intellectuelle est intense. C'est celle de l'évasion. Alors c'est vrai que c'est pas tellement par la marche pour ce qui est de la Guyane, parce que traverser la forêt amazonienne, c'est plus difficile que les Kerguelen ou d'autres lieux, mais c'est l'évasion par la mer. Alors on marche différemment, on rame. Ou on nage. Allez, suite et fin de notre tour du monde des îles prisons. Dans un instant, on va s'intéresser à des îles prisons actuelles. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Oh, oh, oh, qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Oh, oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Je le sais, je suis un évadé. Oh, faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Oh, oh, oh, supporter un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, oh, oh, pour connaître le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. De perdre la vue. Oh, oh, oh, pour espérer les soleils disparus. Je les vois briller, je suis un évadé. Jamais laissé enchaîner. Oh, oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Serge Gainsbourg, la chanson du forçat. Je pense que ce qui détermine la façon dont vous serez traité par les autorités de la prison, c'est votre attitude. Et c'est une bataille que vous devez mener et gagner le premier jour. 2 gardes sont rentrés par le passage, ils étaient très agressifs. Et ils ont repéré Molété, qui était un gentleman, un homme gentil et réservé. Un des gardes lui dit, « Pourquoi tes cheveux sont si longs ? Tu ne connais pas le règlement ?» Et Molété supportait mal la pression d'une approche aussi agressive. « Tes cheveux sont aussi longs que les siens », le garde lui dit, me montrant du doigt. Sur ce, j'ai répondu, « Écoutez, et je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Le moment même où il s'est avancé pour me frapper, je lui ai dit, « Si tu oses me toucher, je te traînerai devant les plus grandes instances juridiques de ce pays. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus un centime à ton nom. » Ça l'a arrêté net. La voix de Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 18 ans sur une île prison de 1964 à 1982. C'était à Robben Island, Michel Pierre. Oui, c'est en face du cap, à quelques kilomètres, à 7 kilomètres de la côte. Et là aussi, on est dans la longue durée, parce que Robben Island a déjà servi au XVIIe siècle, à l'époque des Hollandais, de lieu de détention. Par la suite, les Anglais en ont fait autant. Et en 1959, c'est devenu vraiment un lieu d'enfermement pour tout ce qui était militant par rapport à l'apartheid. Et Mandela lui-même, il restait quand même une vingtaine d'années. Alors, c'est devenu aujourd'hui un lieu de mémoire extrêmement important. C'est vraiment un musée national depuis 1996 et un lieu de constitution de la nouvelle Afrique du Sud où évidemment la mémoire de Mandela et de bien d'autres y est préservée. Alors toutes les îles prisons que nous avons mentionnées dans cette émission sont des îles prisons qui sont fermées aujourd'hui, qui sont soit des musées, soit qui sont redevenues des îles naturelles inhabitées. Il en reste pourtant encore de ces îles prisons en fonction. À New York, on trouve Rikers Island, dont on entend parler régulièrement. Oui, Rikers Island, c'est l'une des plus grandes prisons des États-Unis. Vous êtes aujourd'hui à peu près avec 8000 à 9000 détenus dans une dizaine de prisons, alors qui concernent aussi bien les femmes, les hommes, les malades que les adolescents. Alors, c'est une île, elle, qui est très peu éloignée de la côte, puisque vous êtes entre Queens et Manhattan. Donc, ce n'est pas un cas d'île-prison très éloignée du continent. Mais c'est une prison dont on pense qu'elle peut aussi bientôt fermée, mais enfin, il faudra au moins une dizaine, sinon une quinzaine d'années. Puis il y a aussi une prison en Australie, je crois, qui a retenu votre attention. Oui, elle n'est pas vraiment en Australie, c'est l'île de Nauru, qui est un confetti du Pacifique, qui fait 21 km² de superficie et 10 000 habitants. Mmh. Mais l'Australie s'en sert, en quelque sorte, contre une subvention, parce que cette île, avec sa population résiduelle, c'est 90% de chômage, pas véritablement de ressources, et l'Australie verse chaque année une somme conséquente pour que Nauru accepte de recevoir 1500 personnes à qui on a refusé l'accès comme migrants à l'Australie. Mmh. Donc l'Australie délègue en quelque sorte cette fonction d'île prison ou d'île exil ou d'île de déportation, en quelque sorte, où on garde ses détenus, femmes, enfants et hommes, au grand scandale du reste d'un certain nombre d'organisations des droits de l'homme, sur ce confetti qui n'a d'autres ressources en quelque sorte que de recevoir de son puissant voisin contre des sommes importantes 1500 détenus qui ont été refusés pour l'immigration. Oui, elle déporte les détenus et les problèmes aussi sur cette île. When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me. Your words they shoot me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie of me. Darling, you hurt me. Chalala de Alani, la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée, comme toujours, Djoubaka. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous partirons en forêt à la découverte des surprenantes interactions entre les arbres et les champignons. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.